l'évidence, les dés sont jetés à l'avance, les jeux sont faits. Car Sophie, quelle importance, la vie te donne une carte chance, à toi de jouer. Sur l'échiquier, être la reine ou le roi, ça tu sais, on ne choisit pas, crois-moi. Prochain coup que tu joueras, il ne dépend que de toi. Apprendre à te défendre, à ne pas te laisser surprendre par l'adversaire. Celui qui te met dans des cases, qui de ses convictions t'écrase, te met à terre. Que dans ta main tu es la dame ou le roi, ça tu sais, on ne choisit pas. La prochaine carte qui tombera, elle ne dépend que de toi. C'est dans les règles du jeu des lois de la nature. Mais bats-toi contre le destin, évite qu'il ne marque des points sur ta figure. La bataille ne reste pas sur le carreau. Durcis ton cœur, pique la place du bourreau. Le prochain coup tu donneras, il ne dépend que de toi. Garçon, fille, quelle importance, la vie te donne une carte chance, à toi de jouer.